Défi Sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Bonjour à tous et bienvenue dans Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici pour parler sport féminin en catégorie master. Défi Sport sur Fadjet. Alors, nous sommes dans le studio aujourd'hui avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Et Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour. Et aujourd'hui, on est là pour débattre autour du thème « Un dossard jusqu'à quel âge ?». Donc, on va commencer par les présentations. Chantal, je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Chantal Turpin, j'ai 53 ans. Je pratique la course à pied en compétition depuis 25 ans, bientôt. Je pratique aussi bien du cross que de la course sur piste, que de la course sur route. Donc voilà, assez polyvalente et donc en compétition. Et est-ce que tu fais d'autres sports à côté ? Non, alors un petit peu de renforcement musculaire maintenant parce que ça va avec la course à pied, ouais. J'en ai besoin, mais non, pas d'autres sports. Et plus jeune, tu faisais d'autres sports ou pas ? Là aussi, très polyvalente, du tennis, du basket, du foot. Mais voilà, pas en compétition. Par contre, c'était vraiment plus avec des amis, mais toujours très sportive. Ouais. D'accord. Et la course à pied, depuis combien de temps ? 25 ans. Depuis que tu as 25 ans ou depuis 25 ans tu cours ? Alors, ça fait à peu près la même chose. Depuis 25 ans. Les compétences de calcul depuis la dernière émission, c'est pas mieux. Alors, donc en préparant l'émission, tu m'as demandé si tu voudrais préparer quelque chose. Je t'ai demandé tes chronos et tes titres et tu m'as dit « je suis pas très au point sur mes performances ». Donc moi, je vais te rappeler tes titres, enfin juste tes titres nationaux. Donc on a en 2024 championne nationale F50 sur 1500 mètres. En 2024 également, championne nationale vétéran sur 5000 mètres. En 2022, championne nationale vétéran sur 3000 mètres en salle. En 2025, 2024 et 2021, troisième place nationale M3, enfin M2 en 2021, en 10 km sur route, élite et toutes catégories confondues. Donc on est sur un sacré palmarès quand même. Voilà. Master à chaque fois, c'est ce que je précise, mais c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Donc tu m'en voudras pas si je t'ai pas invité la dernière fois sur l'émission sport et adolescence. c'était aujourd'hui que j'avais plus envie de parler de ça. Je te propose de commencer par quelques stats pour dresser le tableau et on va commencer tout de suite avec la minute Lise. Fadjet, défi sport, l'analyse sans Lise. Alors pour commencer, je rappelle des chiffres déjà évoqués, mais on ne se lasse pas des bonnes nouvelles. La part des femmes pratiquant une activité physique ou sportive a crû de 5 points entre 2009 et 2015. Elle est passée de 40% à 50% chez les hommes, et elle reste, par contre, chez les hommes, elle reste stable à 50% sur la même période. Donc les femmes font de plus en plus de sport. Concernant plus spécifiquement le thème du jour, l'accroissement de la pratique régulière féminine concerne l'ensemble des classes d'âge de manière similaire. Plus 6 points de 2009 à 2015, toujours on est sur des stats INSEE, donc c'est jamais récent l'INSEE, mais au moins c'est fiable. Donc on est à plus 6 points pour les femmes de 50 à 64 ans et plus 7 points pour celles âgées de 65 ans et plus. Parmi les plus jeunes, la part de pratiquantes régulières a augmenté de 5 points chez les femmes de 16 à 24 ans et chez celles de 25 à 39 ans, 5 points également. Donc aux mêmes tranches d'âge, cette part elle reste stable chez leurs homologues masculins. On constate donc que chez les femmes, le nombre de pratiquantes régulières augmente davantage dans les classes âgées que chez les classes jeunes. Ces progressions ne suffisent toutefois pas à combler les forts écarts de pratique entre jeunes femmes et jeunes hommes. On s'est penché également sur d'autres chiffres, les principales motivations à la pratique physique ou sportive. Donc ça, on y reviendra ensemble dans les questions. Donc en 2011, 79% des femmes et 80% des hommes déclarent s'adonner à une pratique sportive dans le but de se distraire. Rester en forme est une source de motivation pour 74% des femmes et 73% des hommes. Évacuer le stress est la troisième motivation évoquée par 57% des sportives, 51% des sportifs. Les femmes sont plus stressées que les hommes. Pour un pratiquant sur deux, c'est l'occasion de passer du temps entre amis et pour 30%, c'est le moyen de rencontrer d'autres personnes. Par contre, là où c'est également intéressant, c'est qu'avec l'âge, la recherche de convivialité des pratiques physiques devient secondaire et rester en forme prend de plus en plus d'importance et ça devient même la première source de motivation des 65 ans et plus pour 80% d'entre eux. Fadjet, défi sport, l'analyse sans Lise. Voilà, donc ça c'est les stats pour redresser un petit peu le tableau. On parle d'accroissement de la pratique sportive avec l'âge. Enfin, On constate donc que les femmes âgées, je me permets, je suis dedans, c'est pas grave, j'ai le droit, se mettent plus au sport que les femmes, que les jeunes, pardon. Qu'est-ce que t'en penses ? Toi, tu n'as pas commencé jeune non plus ? Pas toute jeune, effectivement, mais... Bon, senior, moi, t'étais encore senior, rien. J'étais senior, ouais. Quand j'ai commencé. Alors moi, ça a été aussi un petit peu un concours de circonstances, puisque j'en ai eu besoin dans le cadre de mon travail. Enfin, c'était important pour le concours que je passais. Et c'est un peu ça qui m'a mis le pied à l'étrier. Et puis derrière, c'est l'arrivée... On a le droit de dire ton travail, excuse-moi. Je suis... Il y a une pratique sportive. Oui, il y a un concours sportif. Voilà, il y a une partie, oui. Ça compte pour le classement final. D'accord. Donc c'était important. Mais j'étais déjà donc sportive à la base. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas vraiment la compétition. Et la compétition est venue après par le biais d'un club. C'est vraiment le club qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc c'est le club où tu es actuellement ? Alors, ce n'était pas le tout premier. Le tout premier, c'était l'US Toul. D'accord. Voilà. Et puis, très rapidement après, en fait, j'ai changé de lieu de travail. Et donc, je suis allée au Cosville. D'accord. Donc, c'était motivé par le... Tu as commencé à pratiquer là où tu habitais. C'est ça. D'accord. Mmh. Et donc, pour le travail, mais aussi pour le bien-être que ça apporte en dehors du travail, puisque c'était une vraie libération de pouvoir... faire du sport et puis de se vider à ce moment-là. Voilà. Donc tu fais partie des pratiquantes qui recherchent à évacuer le stress également ? C'était ça au départ. Au départ ? Et puis après, c'est la compétition. Et à partir du moment où ça a été la compétition, ça a été le dépassement de soi, ça a été... ça a été vraiment après les chronos et tout ça a pris de l'importance. Et puis ma vie s'est réglée un petit peu en fonction de la course à pied en fait. Voilà. Alors, donc, niveau compétition, en fait, ce qui m'intéressait dans ton profil également, on en a discuté, c'est que tu recherches pas forcément la facilité encore maintenant. C'est-à-dire que tu te positionnes pas seulement sur des courses de 10 km. Alors, je résume, mais en gros, plus c'est court, plus c'est rapide, plus l'avantage est aux jeunes. C'est ça. Ça te va ? Ça va comme Julie, ça te va aussi comme définition ? Ça me va, voilà, oui, comme définition. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Donc concrètement, je pense qu'on retrouve plus des... Plus ça va en âge, plus on va retrouver des pratiquantes sur du 10 km semi-marathon, parce que c'est là où on a l'avantage. Toi, tu recherches vraiment pas la facilité, parce que comme j'ai cité tes titres, on est sur du 1500. 1500, c'est 1500 mètres, c'est assez violent comme effort quand même. C'est ça, oui. 5000 et 3000. Donc il y a vraiment une recherche de compétition. Pourquoi ces distances un peu plus courtes ? Parce que ça s'est fait aussi comme ça pour changer. Parce que les courses plus longues, c'est plus difficile en termes... Enfin, par exemple, un marathon, il faut du temps vraiment pour préparer. Mmh. Finalement, sur un 1500 mètres, c'est beaucoup plus facile de l'intégrer dans la vie quotidienne. D'accord. Donc, et puis, il y avait... Enfin, j'ai fait beaucoup de 10 km, mais... Il faut varier aussi, parce qu'au bout de 25 ans, enfin dans les 25 ans, faire que de la course sur route et que du 10 km, c'est quand même lassant. Donc c'est bien aussi de se remettre en question sur d'autres choses. Et puis la course sur piste, ça permet aussi d'acquérir de la vitesse, ou de la garder. Mmh. En tout cas, à un certain âge, c'est plutôt de la garder. Et donc ça fait partie aussi de l'entraînement du plus long, mais avec quelque chose, un ressenti différent, et effectivement avec des personnes complètement différentes, parce que sur les courses sur piste, on est avec des beaucoup plus jeunes, effectivement. Oui, tout à fait. Voilà. D'où le, quand je dis tu recherches pas la facilité, alors c'était une question qui vient plus tard, mais c'est quoi ton rapport aux performances plus jeunes ? Parce que donc sur du 1500, 3000, tu vas te retrouver avec une majorité, je pense, plutôt senior. Enfin, on est sur du même plus jeune. Voire plus jeune. C'est quoi ton rapport à leur perf ? Alors, je crois qu'il y a par rapport à mes perfs, à moi aussi, mais quand on est dans le groupe, finalement, c'est de se dire que même avec des plus jeunes, on arrive à tenir la route et à être encore là. Alors, c'est sûr que avec des jeunes qui s'entraînent vraiment beaucoup, les performances sont pas similaires, hein, c'est clair. Mais finalement, quand on regarde bien, je suis pas la dernière sur la piste, donc ça veut dire que j'ai encore ma place et je me dis je peux encore lutter. Alors c'est pas du jeunisme, hein, je veux pas absolument rester jeune, mais en attendant, ça fait quand même plaisir de se dire que finalement C'est pas parce qu'on a 53 ans qu'on peut plus mettre des pointes et puis courir sur une piste et se faire plaisir et être quand même dans compétitif, le groupe. Oui, compétitive. Donc en fait, une fois que tu es sur la piste, la piste, tu as également le dossard M2 dans le dos, c'est ça, hein, c'est ça. La particularité, c'est qu'il y a un moment donné où on n'a pas qu'un dossard devant, on en a un autre derrière. Et en fait, tu es en train de me dire que finalement, tu fais abstraction complètement du dossard. Ah, du dossard dans le dos, oui, quoi. Oui. En fait, tu es dans ta course, dans la course avec le peloton. C'est ça, oui, tout à fait. Et donc, par contre, tu dis qu'effectivement, c'est pas les mêmes perfs exactement chronométriques entre master et puis des catégories juniors. C'est évident. Quel regard tu portes sur des perfs master, en fait? Est-ce que tu te compares aux perfs plus master ou est-ce que tu regardes quand même les catégories plus basses? Les deux, en fait. Je regarde, les perfs, les chronos, c'est vraiment au niveau master. Mais après, par exemple, sur la place, parce que quand on fait une compétition, enfin, tout ce qui est championnat, en tout cas, la place compte aussi beaucoup. Mmh. Alors, c'est pas toujours des championnats. Hein, ce qu'on fait dans la région, c'est aussi des courses. Voilà, mais ça joue quand même parce qu'on se dit, la place est quand même pas mauvaise. Donc ça donne envie de continuer et puis de persévérer et d'aller chercher encore. Et même en étant plus âgée, moi mes meilleurs chronos finalement sont quand j'ai été plus âgée. Hein. Je parle là en chrono. D'accord, je en parle chrono pas pur, en place, en temps je parle pur. D'accord. En chrono. Oui. Ok, c'est intéressant. Donc à 53 ans, qu'est-ce qui te motive à accrocher le dossard? Je veux dire, alors il y a le chrono. Est-ce que tu penses encore à améliorer tes chronos ou est-ce que tu penses à les garder là pour l'instant? Les deux. Mais essayer quand même de grignoter encore un petit peu. T'es pas arrivé au bout. J'espère pas. Non. En fait, je me dis que on est aussi à une époque où il y a des équipements qui sont aussi différents d'une certaine époque, donc on se fatigue parfois moins, ouais, avec des baskets, avec des semelles en carbone, des choses comme ça, qui permettent aussi peut-être de faire en sorte qu'on puisse faire du sport plus longtemps et d'être encore performante à un âge plus avancé. D'accord. Et alors, du coup, ça amène la question suivante. Ton rapport à la compétition, est-ce qu'il a évolué au fil des années? C'est-à-dire que plus jeune, tu me dis que tu es tout de suite entrée dans la compétition. Là, t'es toujours... t'es dans la compétition avec toi-même, donc du coup, tu restes sur cette lancée d'amélioration permanente, en fait. C'est ça, ouais. Personnel, oui, et puis aussi, c'est vrai quand même par rapport aux autres, parce que, c'est un sport individuel, mais c'est un sport qu'on fait quand même, on se retrouve tout ensemble. Donc forcément, quand il y a quelqu'un, et peu importe l'âge de la personne qui est devant, quand on voit quelqu'un qui est devant, que ce soit en cross, que ce soit... On va chercher, quoi. Mmh. On va chercher. Peu importe l'âge, on lâche pas. Donc, non, on a toujours envie de continuer, d'aller plus loin. Et c'est vraiment ce que je recherche encore aujourd'hui, même à 53 ans. Voilà, d'où la présence sur les courses. Alors, le thème de cette émission, c'est parce que la question s'est posée une fois sur une course, c'était un 3000, je crois, sur piste. Hein, et effectivement, il y avait une grosse différence de niveau. C'est-à-dire que il y a eu une première arrivée de jeunes, juniors. Un temps s'est passé, c'est-à-dire que il y a même des gens qui ont traversé la piste parce qu'on pensait que la course était finie, et il y a les masters qui sont arrivés en petit décalage. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, ou pas? Alors, à moi, être en décalage, non. Du peloton, ouais. Mais moi, non, et je pense que ça serait quand même difficile, ouais, voilà, c'est à ma accepter. Question. Par contre, je l'ai déjà vu sur une compétition, oui. C'est vrai que c'est là, on se pose la question de savoir s'il faut continuer ou pas. Après, il existe aussi pas mal de courses master, hein, quand même, oui, qui nous sont réservées. Et du coup, c'est beaucoup plus facile quand même de s'y retrouver. Mais quand il y a un trop, trop grand écart, c'est vrai que se pose la question de savoir si c'est judicieux, en fait. Alors, donc là, clairement, c'est une histoire de densité. Je veux dire, le départ, il est groupé. C'est aussi pour gagner du temps sur les compétitions. Donc toi, tu penses, t'as jamais eu le cas, mais est-ce que tu penses que ça remettra en cause ta participation si tu te retrouves une fois dans cette configuration? Alors, pas comme ça exactement, parce que s'il y a vraiment un groupe jeune, un groupe master, ça veut quand même dire qu'il y a du monde. Bon, après, c'est effectivement une question de densité. Donc, on peut comprendre qu'on fasse tout en une seule course. Mais c'est plutôt... moi, ce que j'ai vécu, par exemple, c'est pas moi en tant que telle, mais c'était sur une compète où là, il y avait une concurrente qui a fini quasiment... elle a mis quasiment le double de temps que les autres. D'accord. Qui étaient pourtant dans sa catégorie. Et là, je me dis, plus très utile, quoi. Enfin, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, quand on est encore capable de faire des temps au sein de sa catégorie, d'accord, même s'il y a un décalage, c'est évident qu'on ne peut pas courir comme oui, des tout jeunes. Donc ça, c'est clair, il faut l'accepter, c'est clair. Donc il y a... Alors comment dire, donc du coup c'est pas un âge qui te ferait arrêter, c'est il y a un moment donné si tu j'extrapole là, hein, si tu te rends compte que t'arrives plus à suivre le groupe, est-ce que t'y as déjà pensé, est-ce que ça te fera arrêter potentiellement? Alors si vraiment j'arrive plus à suivre le groupe, oui, notamment pour les courses sur piste ou les crosses, parce que si c'est aussi faire en groupe et si on est seul derrière, ça n'apporte d'accord, plus rien. Donc c'est je pour pense la performance sportive en fait. C'est ça. C'est parce que y a plus d'entrain à ce moment-là, plus d'intérêt au groupe. Alors dans ce cas, ça serait plus la course sur route effectivement, où là il y a beaucoup plus de personnes qui font du sport en amateur et puis se retrouver effectivement avec du monde et avoir à nouveau des gens pour pouvoir se motiver, courir, etc. Si c'est sur de la piste et puis qu'on fait trois tours complètement seul derrière, oui, non. Bon, pour moi, non. D'accord. Non, j'arrêterai. Donc, alors je résume et je caricature, mais pour toi, il n'y a pas un âge pour arrêter. Par contre, il y a une perf où il faut savoir s'arrêter. Alors, pour moi, hein, c'est ouais, uniquement mon avis. Hein, oui, mais, c'est celui que j'attends. Oui, je ne retrouverai pas la motivation. Si c'est tout... Alors, une course, ça peut encore peut-être arriver, parce qu'il y a des fois, on a des coups de moins bien, etc. Mais si ça devient récurrent... Le but n'est pas d'être toute seule à 53 ans. Il y a même s'il n'y a plus de podium non plus parce que je suis toute seule à courir. Enfin, non, il y a plus cet intérêt-là. Non, le but c'est vraiment soit on est encore dans le groupe, dans le peloton, et puis ça marche, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Mais en attendant, il faut être quand même. Enfin, pour moi, il faut que je sois dans le peloton. Oui. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis du coup il y a même plus de podium parce que je suis toute seule. Donc c'est pas la recherche du podium absolument. Ça fait pas partie de... Après, je suis d'accord avec toi, hein, je veux dire, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Voilà, quoi, c'est si ça, t'es tout seul, tu fais forcément podium. C'est pas le titre qui t'intéresse. Non. C'est vraiment de pouvoir se comparer aux autres et de se dire que sur une compète, finalement, on est peut-être parmi les meilleurs ou la meilleure de France, mais parce qu'il y a du monde. Si c'est pour être toute seule parce que les gens ne viennent pas, ça n'a pas d'intérêt. Non. La compétition, non, jusqu'au bout. C'est ça. Alors, on va faire une petite pause musicale. C'est toi qui l'as choisi également, donc je te laisse l'annoncer si tu veux bien. Oui, c'est Tamo Bien de Enrique Iglesias et Pitbull. Allez, c'est parti. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento. Enrique. Cántale. Estamos bien, ni me pregunten que aquí estamos bien. Siempre ando con la vibra en alta. Lo que se fue no me hace falta. Traigan champaña que aquí estamos bien. Ni me pregunten que aquí estamos bien. Siempre ando con la vibra en alta. Lo que se fue no me hace falta. Flash. Matter of fact, ain't no time for that. DJ Chino, bring it back. Siempre sing, money machine. Going ching. I ain't have shit, now I own everything like a king. Gracias a Dios, estamos bien. Estamos bien. Ni me pregunten que aquí estamos bien. Siempre ando con la vibra en alta. Lo que se fue no me hace falta. Traigan champaña que aquí estamos bien. No me hace falta nada, mi tiempo vale más que tu reloj. Manito, me la tuve que sudar, no fue por suerte que a mí me llegó. De donde vengo viene el tumbao, sigo aquí nadie me ha tumbado. En todos los parties estamos soldados y siempre ando con mis soldados. Que no te mate la envidia por mi progreso. Manito, no estamos en eso. l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Et nous voici de retour dans Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport, toujours avec Julie et Chantal, où on se demande, on est en train d'essayer de répondre à jusqu'à quel âge on accroche le dossard. Pour Chantal, visiblement, c'est pas prêt de... On a encore besoin d'épingle. Alors, donc Chantal, on a évoqué ta motivation et ton rapport à la compétition. Maintenant, on va parler bassement physique, parce que donc, nous sommes masters, moi aussi, il n'y a pas de problème. Il y a des différences physiologiques avec le corps jeune. Notre corps était jeune à un moment donné aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as évolué par rapport à ton corps, par rapport à ta pratique sportive? Est-ce que tu as dû faire quelques adaptations? Alors oui, je parlais tout à l'heure du renforcement musculaire. Mmh. C'est vrai que c'est quelque chose dont je me suis passée à tort, mais plus jeune. Tu faisais pas du tout? Non, du tout. Bah, ça, je manquais de temps, en fait. Faut pas oublier que la course à pied, ça reste une pratique en dehors du travail, de la vie de famille, etc. Mmh. Donc c'est compliqué de rajouter encore des choses. Et forcément, au bout d'un certain âge, on se dit quand même qu'on perd en force. En force, voilà. En masse musculaire. En masse musculaire. Et il faut donc se renforcer. Et donc, je le fais. C'est pas de gaieté de cœur parce que j'apprécie pas trop. Mais j'essaye de le faire pour rester justement performante. Alors, tu me parles de contraintes d'emploi du temps. J'ai oublié de te demander dans ta présentation. Tu passes combien de temps à faire d'entraînement par semaine à peu près? En fait, j'ai 6 entraînements par semaine. Mmh. Donc, à peu près à chaque fois d'une heure 20, on va dire, en gros. 6 jours sur 7 ou des fois tu doubles? 6 jours sur 7. D'accord, oui, donc ça prend vraiment, vraiment pas mal de temps. Mmh. Et le renforcement, il fait partie de ces 6 entraînements ou c'est alors, en plus? Voilà. Maintenant, oui. Non, parce que c'est difficile. Alors, parfois, j'arrive à faire plus, mais c'est très rare. Donc, c'est compris dans les 6 entraînements, oui. Mentalement, t'as adapté des choses ou pas? Non, pas vraiment. Bon, après, c'est l'expérience qui fait aussi qu'on agit un petit peu différemment, qu'on se connaît mieux. Mais non, pas véritablement de... Pas de revue d'objectifs, mais dans le genre, tu t'écoutes plus à te dire, en ce moment, c'est peut-être pas la forme, je vais pas y aller, alors que plus jeune, tu y serais allé quand même. Non, toi, tu y vas toujours. Moi, ouais, peut-être un petit peu trop. Il faudrait que j'apprenne à m'écouter, mais... non. Pour l'instant, il n'y a pas d'adaptation. Dans une certaine mesure, quand même, si, mais sans doute pas assez. Ouais. T'es très junior mentalement, en fait, encore. Ah oui, ouais, c'est ça. Ton entraînement, par contre, est-ce que tu l'as adapté en fonction de ton âge? Est-ce qu'il y a plus d'échauffement, notamment? C'est pas plus long, c'est plus court? Pas trop non plus. Non. Alors, j'ai vraiment besoin de mes 20 minutes d'échauffement. Par contre, alors avant, ça pouvait être, si je n'avais pas trop le temps, ça pouvait être effectivement 10 minutes, etc. Là il me faut mes 20 minutes, ça c'est sûr. Mais après, j'ai toujours eu, en fait, mes 3 entraînements... sur piste ou en tout cas du fractionné dans la semaine et ça j'ai pas plus de récupération ou quoi que ce soit parce que je suis plus âgée. Non. Et t'as toujours eu le même entraîneur enfin depuis que tu es au COS du coup? Oui. T'as le droit de lui faire coucou. Coucou Jean-Pierre. Oui, coucou Jean-Pierre, c'est ça. Voilà. Et donc lui il prend en compte ton âge entre guillemets? Alors, je pense qu'il prend plus en compte mon état. Enfin, il le voit. En fait, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Mmh. Donc, il me connaît très, très bien. Et donc, lui, il est, je dirais, capable de juger, en fait, ne serait-ce qu'à ma foulée ou tout ça. Il le perçoit tout de suite. Et là, il va me dire de temps en temps, non, là, on ralentit. Là, tu fais pas cette séance-là ou des choses comme ça. C'est finalement... Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un entraîneur qui me connaît très, très bien et qui est très, très, très présent. Hein, donc... Ça aide beaucoup. Alors, j'avais entendu un sujet, notamment à propos du cross, parce que le cross, ça se déroule l'hiver dans la boue. Et physiologiquement, on disait qu'en avançant en âge, au niveau des articulations, notamment des chevilles, ça devient un peu plus compliqué. On est plus sensible, justement, aux températures, à l'humidité, des choses comme ça. Alors, à ta tête, je pense que non, c'est pas un sujet chez toi. Non. Bah, je pense que aussi, à force de faire de la course à pied en plein hiver, parce que j'en fais quand même partout les temps, donc c'est vrai que c'est dans nos régions, c'est pas simple. Mais du coup, le froid, le vent, tout ça, non, en tout cas, je le ressens pas. T'as pas d'adaptation par rapport à ça, à se dire, il fait vraiment très froid, plutôt que d'aller faire l'entraînement de cross dans la boue. Cette séance, on va la faire un peu plus sur du terrain un peu plus propre, et puis les appuis, on les travaillera un autre jour. Ah non. Non, ouais. Jean-Pierre, non, pas ça. On y va, c'est dur, et on y va. D'accord. On parle adaptation également, et là c'est parce que je vais introduire Julie par la suite, mais au niveau alimentaire, est-ce que tu as fait des adaptations? Alors là oui, parce que forcément, bon, il faut garder quand même un petit peu la ligne. Je suis gourmande, mais par contre, il faut... Enfin, à mon âge, je dois enfin faire attention. Enfin, enfin, j'aurais préféré ne dire que c'était encore un petit peu plus tard, mais je me suis toujours fait plaisir. T'as un métabolisme qui le permet, c'est ça? Bah, sans doute, mais ouais. Là, maintenant, un petit peu moins. Donc, il faut que je fasse un peu plus attention sur ce que j'aimais bien avant et qui n'était pas forcément très bon pour la course à pied, d'ailleurs. Donc, voilà. Là, et maintenant, donc, tu fais attention de manière générale ou tu as été voir éventuellement une diététicienne pour les rapports protéines, lipides, glucides? Non. Alors, non, c'est au doigt mouillé quand même. Ouais, je fais attention, moi. Et moi, j'ai beaucoup supprimé les sucres, notamment. Voilà, donc... Alors nous, on a une spécialiste du sujet, on a de la chance, on a Julie. Donc tout de suite, on va retrouver la recette de Julie. Fadjet, défi sport, la recette sportive de Julie. Alors Julie, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors, eh ben, écoutez, vous allez être contente parce que c'est une recette encore pour les gourmandes qui font attention à leur ligne, en effet. Ben voilà, tu prends des notes, Chantal. On va être sur une recette de gaufres salées, donc sans sucre, évidemment, sans beurre, sans huile. Ça fait peur. Dis comme ça, ça fait peur. Mais faites-les parce qu'elles sont vraiment très bonnes. Donc, je vous donne les quantités pour 6 gaufres et vous adaptez. On est sur 40 kilocalories par gaufre. Vous auriez besoin de 250 g de courgettes râpées et essorées. J'insiste sur le essoré parce que si on les essore vraiment pas comme il faut, c'est de la catastrophe. 35 g de farine de blé. J'aime bien mixer les farines pour avoir un meilleur index glycémique. Je rajouterai 15 g de farine d'avoine, mais si vous mettez 50 g de farine de blé, c'est très bien aussi. 4 g de levure, un œuf pour les protéines évidemment. 30 g de fromage blanc, 0% de matière grasse. Vous pouvez aussi ajouter les épices de votre choix pour rajouter du goût. Et si la pâte est un peu trop épaisse, on peut rajouter un petit peu de lait. Voilà, donc ça fait vraiment une pâte à gaufres qui a plus qu'à mettre dans le gaufrier pendant 6 minutes. Et aussi, ce que je propose en accompagnement, c'est de faire une petite sauce avec du skyr, toujours pour un petit peu augmenter les protéines, avec de la ciboulette et du citron. Voilà, c'est prêt. C'est vraiment des gaufres qui sont riches en fibres, avec un bon apport en protéines, pardon, un bon index glycémique. Et vous pouvez les manger chaudes ou froides, les apporter à un apéro, ça passe toujours super bien. Eh ben merci Julie, et je retire ce que j'ai dit, ça a l'air bon. Ça a l'air très bon. Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Alors, on retourne aux questions avec Chantal, toujours sur notre thème de jusqu'à quand on met le dossard. Alors, Chantal, on a bien compris que jusqu'à quand, on n'a pas la date. Hein. Non. Clairement, on ne l'a pas. Donc, tout à l'heure, je t'ai posé la question du regard que tu portais sur les performances plus jeunes, des catégories plus jeunes. Est-ce que tu as déjà discuté ou eu des retours sur le regard des catégories plus jeunes vis-à-vis de tes performances? Alors, il y a des choses qui m'ont fait plaisir chez les plus jeunes. C'est que certaines m'ont dit « oh, j'aimerais encore bien courir comme toi à ton âge, quand j'aurai ton âge ». Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Alors moi, c'est quelque chose que j'avais dit auparavant aussi à une grande athlète du Cosvillé, hein, Christiane Jolie-Méruzic. Et parce que c'est quelqu'un qui t'a inspirée. Elle m'épatait parce que vraiment, elle a eu aussi... Alors, elle a eu des bons résultats jeunes, mais aussi plus âgés, même au niveau mondial. Donc, ça voulait dire qu'on pouvait encore performer à un certain âge. Âge, hein. Et par contre, c'est un beau compliment aussi des plus jeunes quand on dit oh bah tiens, ça y est, finalement, on me le dit à moi aussi. C'est que bah finalement, je suis pas si mal dans mon classement et dans mes chronos, donc ça fait plaisir. Donc, tu acceptes avec joie ton âge? Ah oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais. Alors, Julie, maintenant, c'est que je vais te demander ton avis à toi, puisque toi, tu es dans les catégories jeunes encore. Donc, quel regard tu portes en fait sur les performances master? Ah bah, moi, j'aurais été le genre de personne à te dire que j'aimerais être comme ça aussi à son âge, ça c'est clair, parce que c'est une fierté, je pense. Et dans un monde où on est très sédentaire, continuer à être comme ça avec l'avancée de l'âge, l'avancée des catégories, à toujours performer et surtout avoir cette fin-là aussi de performance, avoir cette fin de vouloir quand même toujours accrocher les personnes, peu importe si c'est plus jeune ou plus vieux devant, de voilà, toujours montrer qu'on est présent, motivé à l'entraînement, des entraînements 6 fois dans la semaine, quoi, c'est incroyable, c'est un rythme de vie que je veux me réveiller à 50 ans, il n'y a pas de problème. Hein, tu donc, veux aussi, toi. Ah bah ouais, si je pourrais, ouais, c'est clair. Donc, non, c'est vraiment, j'ai tout mon respect pour toi et c'est incroyable, ouais. C'est très motivant, très, voilà, ça donne envie, ouais, c'est et impressionnant. Voilà, une personne inspirante aussi alors. Ah oui, voilà, très inspirante, cherchez mon mot en plus, tu m'as fait, voilà, très très inspirant, ça c'est sûr. Donc j'essaye toujours de conclure avec une conclusion inspirante également. Donc je te pose la question, Chantal. À celle qui nous écoute et qui se demande si c'est pas trop tard, c'est-à-dire, on va dire, allez, catégorie master, ça commence à 39, on est master, à se dire, je me mettrai bien au sport, mais est-ce que c'est pas trop tard, je vais être ridicule, qu'est-ce que tu leur dis? Bah, qu'on n'est jamais ridicule, et puis que le sport, c'est à tout âge, et puis que les bienfaits sont là quand même très rapidement. Après, pour ce qui est de la compétition, bah, il faut aussi s'accrocher. Et puis, je trouve que ce qu'il y a de bien, c'est que quand on s'y met vraiment sérieusement, eh ben, on a tout de suite des résultats quand même. Donc toi, tu conseilles carrément la compétition? C'est-à-dire que tu dis, quitte à s'y mettre, eh ben, on va jusqu'au bout? Bah, pas forcément, mais moi, je trouve que dans la compétition, il y a quand même quelque chose, parce que quand on fait l'entraînement, juste, enfin, quand on va juste faire un footing, etc., c'est pas ça qui va permettre de se dépasser. Alors que quand il y a la compétition au bout, ben, on travaille pour la compétition. Et enfin, alors moi, je sais que je fonctionne comme ça. Hein, je vois bien quand je suis en période un peu de pause. Ben, finalement, s'il pleut un petit peu, je vais pas forcément aller courir. Oh ben, il y a un resto, ben, je vais pas forcément aller courir avant, après, etc. Donc on s'écoute un petit peu plus. Alors que quand il y a un objectif vraiment déterminé, bah là, on se donne vraiment les moyens. Donc, ça peut être aussi une fin en soi, de se dire, bah ouais, j'y vais parce que je n'ai pas le choix, sinon ça ne va pas marcher sur la compétition. Hein. Donc, moi, je sais qu'à ce niveau-là, ça m'aide. Après, la compétition n'est pas absolument obligatoire pour se sentir bien et faire du sport. Non, on peut faire du sport. Puis, il y a des compétitions, beaucoup des courses nature, du trail, qui sont peut-être dans un autre esprit aussi et qui font tout autant de bien. Et sans avoir un rapport aussi net avec un chrono. Hein, D'accord. Alors moi, c'est un peu, je te rejoins dans le sens où moi, je m'occupe des catégories jeunes, des poussins notamment, et pour leur motiver, je leur dis à chaque fois, je dis, mais l'entraînement, c'est les devoirs, et la compétition, c'est la récré. Donc, aller aux compétitions. Donc, je te rejoins sur ce terrain-là, et je suis d'accord avec toi, n'hésitez pas. Enfin, je ne sais pas si tu partages mon avis, mais sur une compétition, il n'y a pas de résultat ridicule. Quoi. Enfin, aucun. On est toujours devant celui qui n'est pas venu. Quoi. C'est ça, tout à fait. Voilà, et alors, ben, merci Chantal, merci Julie pour votre avis. Ben merci à toi. Et on se retrouve le mois prochain pour Défi Sport.